Chapitre 118e. Les deux gouttes d'eau de Monsieur de Richelieu. Le duc de Richelieu sortit à 4h30 de la maison de la rue Saint-Claude. Ce qu'il était venu faire chez Balsamo va s'expliquer tout naturellement dans ce qu'on va lire. Monsieur de Tavernay avait dîné chez sa fille. Madame la Dauphine, ce jour-là, avait donné congé entier à André pour que celle-ci pût recevoir son père chez elle. On en était au dessert quand Monsieur de Richelieu entra. Toujours porteur de bonnes nouvelles, il venait annoncer à son ami que le roi avait déclaré le matin même que ce n'était plus une compagnie qu'il comptait donner à Philippe, mais un régiment. Tavernet manifesta bruyamment sa joie et André remercia le maréchal avec effusion. La conversation fut tout ce qu'elle devait être après ce qui s'était passé. Richelieu parla toujours du roi, André toujours de son frère, Tavernet toujours d'André. Celle-ci annonça dans la conversation qu'elle était libre de tout service près de Madame la Dauphine, que son Altesse royale recevait deux princes allemands de sa famille, et que pour passer quelques heures de liberté qui lui rappelassent la cour de Vienne, Marie-Antoinette n'avait voulu avoir aucun service près d'elle, pas même celui de sa dame d'honneur, ce qui avait si fort fait frissonner Madame de Noailles qu'elle s'était allée jeter aux genoux du roi. Tavernet était, disait-il, charmé de cette liberté d'André pour causer avec elle de tant de choses intéressant leur fortune et leur renommée. Sur cette observation, Richelieu proposa de se retirer pour laisser le père et la fille dans une intimité plus grande encore, ce que Mademoiselle de Tavernet ne voulut point accepter. Richelieu demeura donc. Richelieu était dans sa veine de moralité. Il peignit fort éloquemment le malheur dans lequel était tombée la noblesse de France, forcée de subir le joug ignominieux de ses favorites de hasard, de ses reines de contrebande, au lieu d'avoir à encenser les favorites d'autrefois, presque aussi nobles que leurs augustes amants, ces femmes qui régnaient sur le prince par leur beauté et par leur amour, et sur les sujets par leur naissance, leur esprit et leur patriotisme loyal et pur. André fut surprise de rencontrer tant d'analogies entre les paroles de Richelieu et celles que le baron de Tavernet lui faisait entendre depuis quelques jours. Richelieu se lance ensuite dans une théorie de la vertu, théorie si spirituelle, si païenne, si française, que Mademoiselle de Tavernet fut forcée de convenir qu'elle n'était pas vertueuse le moins du monde, d'après les théories de Monsieur de Richelieu, et que la véritable vertu, comme l'entendait le maréchal, était celle de Madame de Châteauroux, de Mademoiselle de Lavallière et de Mademoiselle de Fosseuse. De déduction en déduction, de preuve en preuve, Richelieu devint si clair qu'André n'y comprit plus rien. La conversation demeura sur ce pied jusqu'à 7h du soir à peu près. À 7h du soir, le maréchal se leva. Il était forcé, disait-il, d'aller faire sa cour au roi à Versailles. En allant et en venant par la chambre pour prendre son chapeau, il rencontra Nicole, qui avait toujours quelque chose à faire là où se trouvait M. de Richelieu. « Petite, lui dit-il en lui frappant sur l'épaule, tu me reconduiras. Je veux que tu portes un bouquet que Mme de Noailles a fait cueillir dans ses parterres et qu'elle envoie à Mme la comtesse d'Egmont. » Nicole s'inclina comme les villageoises des opéras comiques de M. Rousseau. Sur quoi, le maréchal prit congé du père et de la fille, échangea avec Tavernet un regard significatif, fit une révérence de jeune homme à André et sortit. Si le lecteur veut nous le permettre, nous laisserons le baron et André causer de la nouvelle faveur accordée à Philippe et nous suivrons le maréchal. Ce nous sera un moyen de savoir ce qu'il était allé faire rue Saint-Claude où il avait pris pied, on se le rappelle, dans un si terrible moment. D'ailleurs, la morale du baron enchérissait encore sur celle de son ami le maréchal et pourrait bien effaroucher les oreilles qui, moins pures que celles d'André, y comprendraient quelque chose. Richelieu descendit donc l'escalier en s'appuyant sur l'épaule de Nicole et dès qu'il fut dans le parterre avec elle. « Ah ça, petite, » dit-il en s'arrêtant et en la regardant en face, « nous avons donc un amant. Moi, monsieur le maréchal ?» s'écria Nicole, toute rougissante, et en faisant un pas en arrière. « Hein ? » fit celui-ci. « N'es-tu point Nicole Le Guay, par hasard ?»« Si fait, monsieur le maréchal. »« Eh bien, Nicole Le Guay a un amant. »« Oh, par exemple. »« Oui, ma foi, un certain drôle assez bien tourné, qu'elle recevait rue Coquéron et qu'il a suivi aux environs de Versailles. »« Monsieur le duc, je vous jure, une sorte d'exemple qu'on appelle. »« Veux-tu que je te dise, petite, comment on appelle l'amant de mademoiselle Nicole Le Guay ?» Le dernier espoir de Nicole était que le maréchal ignorât le nom de ce bienheureux mortel. Ma foi, dites, monsieur le maréchal, puisque vous êtes en train. Qui s'appelle monsieur de Beausire, répéta le maréchal, et qui en vérité ne dément pas trop son nom. Nicole joignit les mains avec une affectation de pruderie qui n'imposa pas le moins du monde au vieux maréchal. Il paraît, dit-il, que nous lui donnons des rendez-vous à Trianon. Peste, dans un château royal, c'est grave. On est chassé pour ces sortes de fredaines, ma belle enfant, et M. de Sartine envoie toutes les filles chasser des châteaux royaux à la Salpêtrière. Nicole commença de s'inquiéter. Monseigneur, je vous jure que si M. de Beausire se vante d'être mon amant, c'est un fat et un vilain, car en vérité je suis bien innocente. Je ne dis pas non, dit Richelieu, mais as-tu donné, oui ou non, des rendez-vous? Monsieur le duc, un rendez-vous n'est pas une preuve. As-tu donné, oui ou non, des rendez-vous? Réponds. Monseigneur, tu en as donné, c'est très bien. Je ne te blâme pas, ma chère enfant. D'ailleurs, j'aime les jolies filles qui font circuler leur beauté, et j'ai toujours de mon mieux aidé à la circulation. Seulement, comme ton ami, comme ton protecteur, je t'avertis charitablement. Mais on m'a donc vu? Demanda Nicole. Apparemment, puisque je le sais. Monseigneur, dit Nicole d'un ton résolu, on ne m'a pas vu, c'est impossible. Je n'en sais rien, mais le bruit en court, et cela donne un assez vilain relief à ta maîtresse. Et tu comprends que, comme je suis encore plus l'ami de la famille Tavernet que de la famille Leguet, il est de mon devoir de dire deux mots de ce qui se passe au baron. Ah, monseigneur, s'écria Nicole, effrayée de la tournure que prenait la conversation, vous me perdez. Même innocente, je serai chassée rien que sur le soupçon. Eh bien, pauvre enfant, tu seras chassée alors. Car à l'heure qu'il est, je ne sais plus quel mauvais esprit, ayant trouvé quelque chose à redire à ces rendez-vous tout innocents qu'ils sont, on a dû prévenir Madame de Noailles. Madame de Noailles, grand Dieu! Oui, tu vois que la chose devient pressante. Nicole frappa ses deux mains l'une contre l'autre avec désespoir. C'est malheureux, je le sais bien, dit Richelieu, mais que diable veux-tu y faire? Et vous, qui vous disiez tout à l'heure mon protecteur, vous qui m'avez prouvé que vous l'étiez, vous ne pouvez plus me protéger? Demanda Nicole avec la ruse câline qu'eût mise une femme de 30 ans. Si, par Dieu, je le puis. Eh bien, monseigneur. Oui, mais je ne le veux pas. Or, monsieur le duc. Oui, tu es gentil, je sais cela. Et tes beaux yeux me disent toutes sortes de choses. Mais je deviens tant soit peu aveugle, ma pauvre Nicole, et je ne comprends plus le langage des beaux yeux. Jadis, je t'eusse proposé de te donner asile au pavillon de Hanovre, mais aujourd'hui, à quoi bon? On en jaserait même plus. Vous m'y avez cependant déjà emmené au pavillon de Hanovre, dit Nicole avec dépit. Ah, que tu as mauvaise grâce, Nicole, de me reprocher de t'avoir emmené à mon hôtel, quand j'ai fait cela pour te rendre service. Car enfin, avoue que sans l'eau de M. Rafté, qui a fait de toi une charmante brune, tu n'entrais pas à Trianon. Ce qui au reste valait mieux, peut-être, que d'en être chassé. Mais aussi, pourquoi diable donner comme cela des rendez-vous à M. de Beausire et à la grille des écuries encore? Ainsi, vous savez même cela, dit Nicole, qui vit bien qu'il fallait changer de tactique et se mettre à la discrétion entière du maréchal. Parbleu, tu vois bien que je le sais, et Madame de Noailles aussi. Tiens, ce soir encore, tu avais rendez-vous. C'est vrai, monsieur le duc, mais foi de Nicole, je n'irai pas. Sans doute, tu es prévenu. Mais M. de Beausire ira, lui, qu'il n'est pas prévenu, et on le prendra. Alors, comme tout naturellement il ne voudra pas passer pour un voleur compan ou un espion qu'on bâtonne, il aimera mieux dire, d'autant plus que la chose n'est pas désagréable à avouer. Laissez-moi, je suis l'amant de la petite Nicole. Monsieur le duc, je vais le faire prévenir. Impossible, pauvre enfant. Et par qui, je te le demande? Par celui qui t'a dénoncé, peut-être? Hélas, c'est vrai, dit Nicole, jouant le désespoir. Comme c'est beau, le remords! S'écria Richelieu. Nicole se cacha le visage dans ses deux mains, en observant bien de laisser passer assez de jours entre ses doigts pour ne pas perdre un geste, un regard de Richelieu. « Tu es adorable en vérité, » dit le duc, à qui aucune de ses petites roueries féminines n'échappait. « Que n'ai-je 50 ans de moins? Mais n'importe, palsambleu, Nicole, je veux te tirer de là. » « Oh, monsieur le duc, si vous faites ce que vous dites, ma reconnaissance, je n'en veux pas, Nicole. » Je te rendrai service sans intérêt, au contraire. Ah, c'est bien beau à vous, monseigneur, et du fond de mon cœur, je vous en remercie. Ne me remercie pas encore, tu ne sais rien. Que diable, attends que tu saches. Tout me sera bon, monsieur le duc, pourvu que mademoiselle André ne me chasse pas. Ah, mais tu tiens donc énormément à rester à Trianon. Par-dessus tout, monsieur le duc, Eh bien, Nicole, ma jolie fille, raye ce premier point de dessus tes tablettes. Mais si je ne suis pas découverte, cependant, monsieur le duc, découverte, oui ou non, tu ne partiras pas moins. Oh, pourquoi cela? Je vais te le dire. Parce que si tu es découverte par madame de Noailles, il n'y a pas de crédit, même celui du roi, qui puisse te sauver. Ah, si je pouvais voir le roi. Eh bien, petite, en vérité, il ne manquerait plus que cela. Ensuite, parce que si tu n'es pas découverte, c'est moi qui te ferai partir. Vous, sur le champ. En vérité, monsieur le maréchal, je n'y comprends rien. C'est comme j'ai l'avantage de te le dire. Et voilà votre protection. Si tu n'en veux pas, il est temps encore. Dis un mot, Nicole. Oh, si fait, monsieur le duc, je la veux, au contraire. Je te l'accorde. Eh bien? Eh bien, je ferai donc ceci. Écoute. Parlez, monseigneur. Au lieu de te laisser chasser et emprisonner, je te ferai libre et riche. Libre et riche? Oui. Et que faut-il faire pour devenir libre et riche? Dites vite, monsieur le maréchal. Presque rien. Mais encore. Ce que je vais te prescrire, est-ce bien difficile? Une besogne d'enfant. Ainsi, dit Nicole, il y a quelque chose à faire. Ah, dame, tu sais la devise de ce monde, Nicole, rien pour rien. Et ce qu'il y a à faire, est-ce pour moi, est-ce pour vous? Le duc regarda Nicole. Tu Dieu, la petite masque est-elle rouée? Enfin achevée, monsieur le duc. Eh bien, c'est pour toi, répondit-il bravement. Ah, dit Nicole, qui déjà, comprenant que le maréchal avait besoin d'elle, ne le craignait plus, et dont l'ingénieuse cervelle fonctionnait pour découvrir la vérité au milieu des détours dont, par habitude, l'enveloppait son interlocuteur. Que ferai-je donc pour moi, monsieur le duc? Voici. Monsieur de Beaucire vient à 7h30. Oui, monsieur le maréchal, c'est son heure. Il est 7h10. C'est encore vrai. Si je veux, il sera pris. Oui, mais vous ne le voulez pas. Non. Tu iras le trouver et tu lui diras... Je lui dirai. Mais d'abord, l'aimes-tu ce garçon, Nicole? Puisque je lui donne des rendez-vous. Ce n'est pas une raison. Tu peux vouloir l'épouser. Les femmes ont de si étranges caprices. Nicole partit d'un éclat de rire. Moi, l'épouser, dit-elle. Richelieu demeura stupéfait. Il n'avait pas, même à la cour, rencontré beaucoup de femmes de cette force-là. Eh bien, soit, tu ne veux pas épouser. Mais tu aimes alors, tant mieux. Soit. J'aime monsieur de Beaucire, mettons cela, monseigneur, et passons. Peste, quelle enjambeuse! Sans doute. Vous comprenez ce qui m'intéresse? Eh bien, c'est de savoir ce qui me reste à faire. Nous disons d'abord que, puisque tu l'aimes, tu fuiras avec lui. Dame, si vous le voulez absolument, il faudra bien. Oh, je ne veux rien, moi, un moment, petite. Nicole vit qu'elle allait trop vite et qu'elle ne tenait encore ni le secret, ni l'argent de son rude antagoniste. Elle plia donc, sauf plus tard à se relever. « Monseigneur, j'attends vos ordres. »« Eh bien, tu vas aller trouver monsieur de Beaucire et tu lui diras. »« Nous sommes découverts, mais j'ai un protecteur qui nous sauve. Vous de Saint-Lazare, moi de Salpêtrière. Partons. » Nicole regarda Richelieu. « Partons, » répéta-t-elle. Richelieu comprit le regard si fin et si expressif. « Parbleu, » dit-il, « c'est entendu, je pourvoirai aux frais du voyage. » Nicole ne demanda pas d'autre éclaircissement. Il fallait bien qu'elle sût tout, puisqu'on la payait. Le maréchal sentit ce pas fait par Nicole et se hâta de son côté de dire tout ce qu'il avait à dire, comme on se hâte de payer quand on a perdu pour n'avoir plus le désagrément de payer. « Sais-tu à quoi tu penses, Nicole ? » dit-il. « Ma foi, non, » répondit la jeune fille. « Mais vous qui savez tant de choses, monsieur le maréchal, je parie que vous l'avez deviné. »« Nicole, tu songes que si tu fuis, ta maîtresse pourra, ayant besoin de toi, par hasard, t'appeler dans la nuit, et ne te trouvant pas, donner l'alarme, ce qui t'exposerait à être rattrapé. Non, dit Nicole, je ne pensais point à cela, parce que toute réflexion faite, voyez-vous, monsieur le maréchal, j'aime mieux rester ici. Mais si l'on prend monsieur de Beaucire, eh bien on le prendra. Mais s'il avoue, il avouera. Ah, fit Richelieu avec un commencement d'inquiétude, tu seras perdu alors. Non, car mademoiselle André est bonne. Et comme elle m'aime au fond, elle parlera de moi au roi, et si l'on fait quelque chose à monsieur de Beaucire, on ne me fera rien à moi. » Le maréchal se mordit les lèvres. « Et moi, Nicole, reprit-il, je te dis que tu es une sotte, que mademoiselle André n'est pas bien avec le roi, et que je vais te faire enlever tout à l'heure si tu ne m'écoutes pas comme je veux que tu m'écoutes. Entends-tu, petite vipère ? » ?»« Oh, monseigneur, je n'ai ni la tête plate ni cornue. J'écoute, mais je fais mes réserves. » Bien. Tu vas donc aller de ce pas ruminer ton plan de fuite avec monsieur de Beaucire. Mais comment voulez-vous que je m'expose à fuir, monsieur le maréchal, puisque vous me dites vous-même que mademoiselle peut se réveiller, me demander, m'appeler, que sais-je. Toutes choses auxquelles je n'avais pas songé d'abord, mais que vous avez prévues, vous, monseigneur, qui êtes un homme d'expérience. » Richelieu se mordit une seconde fois les lèvres, mais plus fort cette fois que la première. « Eh bien, si j'ai pensé à cela, drôlesse, j'ai aussi pensé à prévenir l'événement. Et comment empêcherez-vous que mademoiselle m'appelle ? En l'empêchant de s'éveiller. Bon, elle s'éveille 10 fois par nuit, impossible. Elle a donc la même maladie que moi ?» Et Richelieu avec calme. « Que vous ?» répéta Nicole en riant. « Sans doute, puisque je me réveille 10 fois aussi, moi. Seulement, je remédie à ses insomnies. Elle fera comme moi, et si elle ne le fait pas, tu le feras pour elle, toi. »« Voyons, » dit Nicole, « comment cela, je vous prie, monseigneur ?»« Que prend ta maîtresse chaque soir avant de se coucher, ce qu'elle prend ?»« Oui, c'est la mode aujourd'hui de prévenir ainsi la soif. Les uns prennent de l'orangeade ou de l'eau de limon, les autres de l'eau de mélisse, les autres... » Mademoiselle ne boit le soir avant de se coucher qu'un verre d'eau pure, quelquefois sucrée et parfumée avec de la fleur d'oranger, si ses nerfs sont malades. « Oh, merveille !» dit Richelieu. « C'est que moi. Eh bien, mon remède va lui convenir parfaitement. Comment cela ? Sans doute, je verse une certaine goutte de certaines liqueurs dans ma boisson et je dors toute la nuit. » Nicole cherchait, rêvait à quoi pouvait aboutir cette diplomatie du maréchal. « Tu ne réponds pas, » dit-il. « Je pense que mademoiselle n'a pas de votre eau. Je t'en donnerai. »« Hein ?» pensa Nicole, qui voyait enfin une lumière dans cette nuit. « Tu verseras 2 gouttes dans le verre de ta maîtresse. 2 gouttes, entends-tu, pas plus, pas moins, et elle dormira. De sorte qu'elle ne t'appellera pas et que par conséquent, tu auras le temps de fuir. »« Oh, s'il n'y a que cela à faire, ce n'est point difficile. Tu verseras donc ces 2 gouttes, certainement. Tu me le promets. Mais, Nicole... « Il me semble que c'est mon intérêt de les verser, et puis d'ailleurs, j'enfermerai si bien mademoiselle. »« Non pas, » dit vivement Richelieu, « voilà justement ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu laisseras au contraire la porte de sa chambre ouverte. »« Ah !» fit Nicole avec une explosion tout intérieure. Elle avait compris. Richelieu le sentit bien. « C'est tout ? » demanda-t-elle. « Absolument tout. Maintenant, tu peux aller dire à ton exempt de faire ses mal. » « Malheureusement, monseigneur, je n'aurais pas besoin de lui dire de prendre sa bourse. Tu sais bien que c'est moi que cela regarde. »« Oui, je me rappelle que monseigneur a eu la bonté. »« Combien te faut-il ? Voyons, Nicole. Pourquoi faire ? Pour verser ces 2 gouttes d'eau. »« Pour verser ces 2 gouttes d'eau, monseigneur, puisque vous m'assurez que je les verse dans mon intérêt. »« Il ne serait pas juste que vous me payassiez mon intérêt. »« Mais pour laisser la porte de mademoiselle ouverte, monseigneur, je vous en préviens. » « Il me faut une somme ronde. »« Achève, dit ton chiffre. »« Il me faut 20 000 francs, monseigneur. » Richelieu tressaillit. « Nicole, tu iras loin, » soupira-t-il. « Il le faudra bien, monseigneur, car je commence à croire, comme vous, que l'on courra après moi. »« Mais avec vos 20 000 francs, je ferai du chemin. »« Va prévenir monsieur de Beaucire, Nicole, ensuite je te compterai ton argent. »« Monseigneur, monsieur de Beaucire est fort incrédule. » Et il ne voudra pas croire à ce que je lui dirai, si je ne lui donne pas de preuves. Richelieu tira de sa poche une poignée de billets de caisse. Voici un acompte. Et dans cette bourse, il y a 100 doubles louis. Monseigneur fera son compte et me remettra ce qu'il me redoit. Quand j'aurai parlé à monsieur de Beaucire, alors? Non, pardieu, je vais le faire tout de suite. Tu es une fille économe, Nicole, cela te portera bonheur. Et Richelieu parfit la somme promise, tant en billets de caisse qu'en louis et en 2 000 louis. « Là, dit-il, est-ce bien cela ?»« Je le crois, » dit Nicole. « Maintenant, monseigneur, il me manque la chose principale. »« La liqueur ?»« Oui, monseigneur a sans doute un flacon. »« J'ai le mien que je porte toujours sur moi. » Nicole sourit. « Et puis, dit-elle, on ferme Trianon chaque soir et je n'ai pas de clé. »« Mais moi, j'en ai une, en ma qualité de premier gentilhomme. »« Ah, vraiment ?»« La voici. » »« Comme tout cela est heureux. » dit Nicole, on dirait une enfilade de miracles. Maintenant, adieu, monsieur le duc. Comment adieu ? Certainement, je ne reverrai pas monseigneur puisque je partirai pendant le premier sommeil de mademoiselle. C'est juste. Adieu, Nicole. Et Nicole, en riant sous cap, disparut dans l'obscurité qui commençait à s'épaissir. Je réussis encore, dit Richelieu, mais en vérité, on dirait que la fortune commence à me trouver trop vieux et me serre à contre-cœur. J'étais battu par cette petite. Mais qu'importe si je rends les coups.